Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un frérot de Lyon, monsieur Malik Mike. Hello Sofiane, comment ça va toi? Hello, ça va super, merci et toi? Ça va là. Bon, c'est merci d'avoir accepté l'invitation. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oula, une anecdote déjà quand même pas mal je trouve. Ouais. Première date de tournée que j'ai fait à Aix-en-Provence. Tiens, je remercie encore Baba Roudy de l'invite. Mm-hmm. Et pour aller à Aix-en-Provence, donc forcément Lyonnais qui se respecte prend un Ouigo, hein, parce que humoriste, forcément pas de thunes. Évidemment. Hein, 10 balles de Ouigo, voilà. Et forcément, quand c'est des horaires de Ouigo, bah, c'est 6h59 du matin. C'est ça. Moi, je sortais de soirée, lundi soir. je rentre avec ma copine, elle me dit, il est quelle heure? Elle me fait, il est 7h09. Je suis, ah d'accord. Donc, je viens de rater déjà mon premier Ouigo. Ah, voilà. Donc heureusement qu'on prend le prochain, mais on est à 10 balles déjà en plus. J'arrive à Aix, enfin, je m'attendais à du gros soleil et tout ça. Gros vent, que du vent, donc tu ne peux pas profiter du sud, c'est génial. Ouais. Donc, Airbnb, 25 balles, c'est parti. Mm-hmm. Je fais la scène, ça se passe, voilà, bref, grosse soirée, etc. Bien sûr, les mecs du sud sont des fadas. Hein. Et, c'est du bon public. Ouais, ah là là, je vais pour prendre mon deuxième Ouigo pour entrer, tu vois. Donc 10h du matin, et là, comme par hasard, 1h de retard, 1h30 de retard, 2h de retard. Supprimé, non? Non, 2 heures de retard, et je dis, oula, attends, parce qu'à la base, j'étais large, parce que je bosse à la FNAC, bien sûr, tu vois, et je reprenais à 13h. Là, j'étais plus large du tout. Là, j'étais plus large, donc du vent, comme je vous ai dit, le lendemain aussi, je prends mon kit main libre, je me mets dos au quai, je vais pour appeler ma responsable, je lui dis, voilà, je vais être en retard, etc., vous inquiétez pas, etc. Je finis l'appel, je me retourne, le train était arrivé, il était en train de repartir. J'ai réussi à rater un train qui était 2 heures en retard. Ça c'est balèze, ça j'avoue c'est du haut niveau. C'est de l'exploit. Mais du coup c'est là que tu vois que t'as ta place dans l'humour. C'est un truc quand ta vie est drôle, t'as ta place dans l'humour. Et ce qui était drôle c'est que du coup, plus de Ouigo. Et du coup comment t'as fait? Eh ben j'ai eu de la chance, enfin de la chance entre parenthèses, il y avait un train qui allait à Bruxelles, qui passe par Lyon, à 55 balles quoi. Donc, un plateau d'humour à 5 minutes de passage, en termes de transport, on est déjà à 80€. C'est déjà pas mal. Hein. On est pas mal, j'avoue qu'on est pas mal. Ah, ça m'a coûté un bras. Mais vive les tournées, hein, je viens quand tu es à Bordeaux. Ah, ben, avec grand plaisir. Mais promets-moi de choper le Ouigo. Je pense que je vais venir en bateau. Je sais pas. Je pense que ce sera peut-être même moins cher. C'est mieux. Mais là, au moins, c'est des galères et tout qui vont te servir pour la suite pour ne pas les refaire. Quoi. Ah, une dinguerie. Ah, bon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc, on tape. Malouk. 6952 sur Insta. Malouk, tout simplement. D'accord, sur Insta, pas de problème. Voilà. Ok, bah écoute, on verra toutes tes infos là-dessus. Ouais. Pour ma part, donc, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le faire tourner à vos amis, humoristes ou pas, et à mettre, bien sûr, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.